On débute sur finalement des invités thématiques avec la journée. Côté météo, et on n'avait pas prévu ça, donc les sœurs du Four La Pointe qui sont avec nous, Maxime, Chloé, Justine, bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Et là, vous me disiez que même vous, là, la neige, ça commence à faire. Ah oui, certainement. Là, on a hâte au printemps comme tout le monde. Donc, on a l'impression que vous avez toujours envie de chausser vos bottes de ski pour aller jouer dans la neige, mais justement, il y a un moment où ça suffit. Mais pour nous, tu sais, on est sur les pentes quasiment 11 mois par année. Donc, à un moment donné, c'est normal d'avoir une petite écœurantite, comme on dit. Et là, récemment, vous avez été vraiment très, très occupée. On aura la chance d'en parler dans la prochaine heure. À quand les vacances de votre côté? Il nous reste environ une semaine assez chargée. Puis après ça, on veut vraiment prendre un mois là de repos. On ne sait pas encore c'est quoi qu'on va faire parce qu'on n'a pas eu le temps de penser à ce qu'on allait faire. Et ça, c'est être occupé quand on n'a pas le temps de planifier les vacances là. Ouais, Justine a essayé hier on décide là, mais ça n'a pas marché. Ben, on invite les gens, tiens, si vous avez envie de faire des suggestions. Oui, des suggestions, je suis prête à en recevoir. On vous écoute. On a besoin d'aide. Mais vous dites planifier ensemble, donc vous allez vivre aussi vos vacances à trois. Seigneur, un non. Un moment non, pour, ça, non. Pour vous séparer. Non. J'ai bien aimé le Seigneur, non. Je pense que c'est un moment qui est vraiment important à prendre plus personnel, puis on s'aime beaucoup, mais on est consciente aussi qu'on a besoin un peu de notre propre air. C'est justement pour mieux se retrouver après. Donc, les vacances, c'est individuel. Ah, c'est bon. Donc, ça se prend chacun de leur côté. Oui. Et j'aimerais qu'on revienne sur les plus récents Jeux olympiques parce que ça vient tout juste de terminer, ceux de Pyeongchang. Et ça s'est vraiment passé de façon différente, chacune de votre côté, mais vous l'avez vécu ensemble tout de même. Donc, Justine, comment ça s'est passé? De ton côté. Raconte-nous tes Jeux olympiques. Ah, oh mon Dieu, ben, ça a commencé, je dirais, pour nous, c'est vraiment une année pré-olympique parce qu'il y a les qualifications. Donc, mes sœurs, il fallait qu'ils se qualifient. Moi, j'avais déjà mon billet un an d'avance dû à mes résultats. Donc, c'est ça, ça commence assez stressant. Donc, un an d'avance de planifier la qualification olympique. Mais aussi, dans tout ça, on a appris le diagnostic de cancer de notre maman. Vraiment un an d'avance, pile poil. On était à Toronto en train de faire une escale pour se rendre à Pyeongchang pour faire notre test event pour les Jeux olympiques, dans le fond. Et c'est là, sur Skype, qu'on l'a appris. Mm. Donc, c'est sûr, ça nous a beaucoup... ça a changé un peu notre perspective de la vie. Ça nous a ébranlés. Ça nous a, c'est sûr, ça a choqué notre vie. Puis, bref, donc ça a commencé un peu comme ça. Donc, on a passé un été assez chargé. Maxime s'est fait opérer à la hanche. Notre mère, on la suivait en traitement. Pendant que nous, on faisait nos camps d'entraînement. Et c'est difficile quand on ne peut pas être proche de notre famille pour supporter dans ce genre d'événement-là, en plus. Mais c'est ça, on avait comme des camps souvent en Europe ou même juste à Vancouver, puis tu te dis, t'es sur le glacier, tu veux skier, mais en même temps, t'es comme, tu sais que ta mère a besoin de toi, puis qu'elle a besoin d'aide, tu sais. Fait que là, t'es... Une chance que Maxime, justement, avec son opération, elle a vraiment été là avec ma mère vraiment plus souvent, je dirais. C'est ça, j'étais à la maison, donc j'ai pu l'accompagner. Mais en même temps, c'était aussi le choc de voir l'effet des traitements sur elle, à quel point ça la rendait malade, là, entre guillemets. Donc, ça, oui, ça l'a pas mal bouleversé, je dirais, nos perspectives. Si tu choisis pas quand le cancer, ça arrive. Puis pour nous, c'était une première, si on veut, expérience. Ça n'était jamais arrivé avant. Mais je pense que c'est fascinant de voir à quel point ça nous a rapprochés en tant que famille, en tant que sœurs. Le fait aussi d'avoir pu en parler ensemble, ça nous a aidé, je pense, à passer au travers. Et ben dans le fond, on a eu des bonnes nouvelles à l'été, comme quoi notre mère était en rémission. C'est sûr qu'elle va avoir un suivi serré, puis ça va, je pense, pour toujours faire partie de nos vies. Donc, ça a vraiment teinté, c'est sûr, notre cheminement vers Pyeongchang. Ouais. Puis d'avoir été les cinq là, c'était tellement une victoire en soi, un beau moment en famille qui pour moi, Pyeongchang, c'était ça. Là. Donc, des fois, il n'y a pas que le résultat qui compte. Il y a le moment qu'on passe aussi. Vraiment, ben, tu sais, c'est ça qu'on réalisait. Mais les Jeux, c'est important, puis ça va toujours rester mon rêve, puis notre grand rêve, je pense, à chacune de nous. Mais à la fin, tout ce que je souhaitais, dans le fond, c'est que ma mère soit en bas du parcours, tu sais. qu'elle soit présente, qu'on soit les cinq, la famille. Puis peu importe dans quelle situation qu'on soit là, ça pour moi, c'était une victoire. Donc, d'avoir réussi à, je pense, me relever de tout ça, d'avoir pris mon courage, on dirait, à deux mains cette journée-là, parce que c'est sûr que, honnêtement, tu sais, je le cacherais pas que j'avais peur. Puis même la veille, tu sais, je me souviens, on était dans la salle de stretching, Chloé puis moi, puis j'ai dit, Chloé, j'ai tellement peur là pour demain, tu comprends même pas là, comme je sais que je suis prête, je sais qu'on a tout fait là, mais c'était pire que d'habitude, oui, le stress d'avant compétition. Ben oui, c'est sûr, mais c'est mes deuxièmes. Moi, c'était mes deuxièmes Jeux olympiques. Donc, la première, on dirait qu'il y a un peu cette naïveté de tu sais pas trop à quoi t'attendre, puis c'est correct. Juste content d'être là. Ben oui. Et là, t'as les attentes, t'as la pression. Et vraiment, je pense qu'à travers tout ça, j'ai réalisé que je crois que la maladie de ma mère, en fait, m'a rendue plus forte parce que j'ai été capable de me relever et de dire non, tu sais quoi, il y a des choses vraiment pires que ça. Puis je vais attaquer cette journée-là. Puis, on s'était promis de ne pas avoir peur puis de tout donner le lendemain. Puis, je pense que c'est vraiment ça qu'on a fait, chacune de nous. Puis, j'étais tellement juste remplie de fierté quand j'ai traversé la ligne d'arrivée de me dire, là, j'aurais pas pu faire mieux. J'ai fait 3 runs sans faute, impeccable. Puis, cette médaille-là, pour moi, c'est comme si j'avais le sentiment d'avoir travaillé tellement plus fort pour me rendre là, Ouais. Comparativement peut-être à une médaille d'or 4 ans plus tôt. Mais... c'est ça, je l'ai entre les mains. Oui, on l'a ici. Oui. Je veux juste dire que c'est la première médaille olympique qui met les pieds dans un radioton de CKRL. Alors, merci de nous faire vivre ça. Oh, ben, ça me fait plaisir. Mais oui, donc c'est cette médaille. Donc, elle est vraiment lourde de sens, cette médaille-là. Non, c'est ça, son poids. Elle est lourde. Et l'autre point, c'est... c'est pour moi, c'est ça. C'est une victoire plus qu'une médaille d'argent, en fait. Et d'avoir autant de pression comme ça, comment on fait pour essayer de passer à autre chose? Il me semble qu'un conseil pour tout le monde, là, comment vous l'avez fait? Parce que j'ai l'impression que tout le monde craque sous la pression ces temps-ci. Donc, de votre côté, comment vous l'avez géré, la pression? Ben, je pense que c'est d'être bien entouré. Puis, je pense qu'on a la chance d'être les trois ensemble. Puis, je pense qu'on a besoin de parler, t'as besoin de défouler ou t'as besoin juste de partager comment que tu te sens dans des moments, parce qu'on a eu des moments tout différents. Donc, je pense que c'est ça d'avoir des gens qui viennent bien t'entourer pour en parler. Donc, c'est un bon conseil pour évacuer la pression. Mesdames, je vous ai demandé des choix musicaux, donc des chansons que vous aimez. Maxime, on commence par toi. Qu'est-ce que tu nous as choisi et pourquoi? Bien, dans le fond, moi, j'ai choisi One Foot de... Wap the Moon. Wap the Moon. Désolée, je me trompe tout le temps du groupe. Mais j'adore cette chanson-là ces temps-ci. On est souvent en train de conduire pour nous rendre rendez-vous à un autre dans notre Jeep. Puis quand cette chanson-là commence, je suis une terrible chanteuse, mais je chante pareil parce que je l'aime tellement. Ben, on va peut-être t'entendre chanter ici, mais à micro fermé, je le précise. Si vous avez envie de le faire, de l'entendre, mais peut-être venir nous rejoindre ici au 405 3e Avenue. C'est comme ça que ça se passe, le Radioton. Les gens sont invités à assister. Donc, il reste la place, là. Venez admirer Médaille olympique et on poursuivra cette discussion avec les sœurs du Four-la-Pointe tout de suite après la sélection musicale de Maxime, Walk the Moon avec One Foot. Not a soul up ahead and nothing behind. There's a desert in my blood and a storm in your eyes. Am I the king of nothing at all? And you're the queen of nothing at all. Well, I remember the fight and I forget the pain. I got my hand in your pocket and my key in your chain. Am I the king of nothing at all? And you're the queen of nothing at all. Your back if you got mine, oh, one foot in front of the other. got a star in the sky. It's a desert in my heart and I know where to hide. I'm the king of nothing at all, and you're my queen of nothing at all. Well, out here in the dust, if you don't have trust, ain't nothing left to lust. This is the exodus, they just testing us. They can't flex with us, they can't mess with us, they can't mess with us. Your back if you got mine. Ooh. One foot in front of the other. Ooh. One foot in front of the other. Ooh. Hey. One foot in front of the other. One step at a time, I got your back, you got mine. Ooh. One foot in front of the other. Ooh. One foot in front of the other. Ooh. One foot in front of the other. On vient d'entendre One Foot, Walk the Moon. C'est l'artiste qui interprète cette chanson. Sélection de Maxime Dufour-Lapointe. Merci. Je pense que ça nous a fait du bien, là. On a eu un petit boost. Oui, hein. Ça nous donne vraiment un peu d'énergie. On faisait un retour sur les Jeux de Pyeongchang. On en a profité pour peser la médaille olympique qui, on confirme, est vraiment très, très lourde. Et je le disais, il faut l'avoir dans le coup, là, pendant la cérémonie, podium, tout ça. Mais oui, il faut. Mais c'est sûr qu'à un petit certain moment, je t'avouerais qu'on peut avoir un petit mal de cou à long terme si on la porte toute la journée. Mais c'est correct. Je pense que c'est le poids de tous les efforts mis dans une médaille olympique, là. Mais les Jeux olympiques, c'est une grande compétition sportive, mais il y en a d'autres aussi à travers l'année. Et là, il y en avait une autre tout de suite après. Donc, vous n'avez pas chômé après Pyeongchang? Non, nous, à chaque année, à chaque 4 ans après les Jeux olympiques, on a une Coupe du monde. Bon, on a plusieurs Coupes du monde. Cette année, on en avait 4. Et après la Corée, on s'est dirigé vers le Japon où on a eu 2 courses, en fait, un simple et un duel. Puis par la suite, on a eu la Suisse. On a eu un petit pause entre la Suisse et la France. Donc, on a été passer quelques jours, Justine et moi, à Milan, où on en a profité, mais c'est rare. Cette année, on a eu 0 break entre les courses. Là, c'était vraiment condensé. Donc, Est-ce que vous avez le temps de visiter un peu quand vous allez en compétition? Parce que c'est rare qu'il y ait une montagne au centre-ville. Là. Oui, c'est vrai. On essaye le plus possible quand on a du temps. Souvent, par contre, l'horaire fait en sorte que on a 2 jours, on arrive à l'endroit, on a 2 jours d'entraînement, les 2 jours de course, et puis après, on se dirige vers l'autre pays souvent. Mais des fois, c'est comme Chloé dit, il y a des petits breaks d'une semaine, puis là, on peut aller se promener, visiter. On avait magasiner. Oui, magasiner. Après Sochi, à Milan. Vaut la peine. Hein. Mais après Sochi, on avait eu une belle semaine aussi à Rome. Donc c'est sûr que tu sais, dans les pays où on va, on est à la montagne, mais il y a aussi des villes Donc au Japon, on est à Akita, on peut se promener, puis c'est sûr que c'est une belle immersion culturelle. Ça fait voyager, c'est certain. Mais pendant la chanson, on parlait de au Japon, il y avait une journée où on a annulé parce qu'il faisait pas beau. À quel point ça déstabilise quand on se prépare pour une compétition, des qualifications, et que finalement, ça a pas lieu? C'est quand même plutôt rare, je dirais que là, cette année, c'est bizarre. Ça nous est arrivé quasiment deux compétitions où il y a eu des petits inattendus au niveau de la météo, donc on n'a pas pu s'entraîner une journée. C'est sûr que ça nous déstabilise, mais faut s'adapter. C'est vraiment un sport, on dirait, d'adaptation. Qui va réussir à maîtriser le parcours le plus rapidement possible? Donc, c'est tout à notre avantage d'être comme rapide et de tout de suite flexible. Oui, exactement. De s'adapter rapidement parce que tu peux pas. On prévoit beaucoup de choses, on prévoit la façon qu'on s'entraîne, puis aussi, il faut se fier justement quand il y a de la mauvaise température, que tu as moins de temps d'entraînement, faut avoir confiance dans l'entraînement qu'on a mis l'été pour se dire que quand on va nous dire « go, c'est le moment de courser », on a confiance en nos moyens, puis on va le faire. Le corps est prêt. Exact. Il reste la tête. Parce qu'il faut dire que nos parcours, ils changent de place en place. C'est jamais la même chose. Donc, il y a plusieurs facteurs qui divergent, comme les sauts sont pas nécessairement placés à la même place par rapport au boss, ou les landings sont un peu plus courts à une place qu'une autre. Donc, on doit toujours s'adapter. Avec la température de la neige, ça aussi, ça change. Donc, tu sais, pour peut-être monsieur, madame, tout le monde qui voit le parcours, il se dit, oh, mais c'est toujours la même chose. Mais on a l'impression, hein. Mais c'est pas du tout la même chose par rapport même à la température, la condition de neige, les formes des boss et tout. Donc, pour nous, c'est vraiment, faut tout le temps s'adapter. C'est quelque chose de nouveau, puis on a tout temps environ uniquement deux jours d'entraînement puis compétition. Mais une Coupe du monde versus les Olympiques, est-ce que vous le prenez avec le même degré d'intensité ou d'importance? Bien, je pense que c'est sûr qu'après les Jeux, puis on retombe en Coupe du monde, c'est un petit peu plus difficile, tu sais, tu dis, ben pas plus difficile, mais c'est un peu plus léger comme ambiance. Toutes les athlètes, en général, sont un peu moins stressés. Mais lorsqu'on est en saison régulière, le début de la saison, on sent la fébrilité. Toutes les athlètes sont super énervés, nerveux même. Donc, c'est vraiment... je pense que les Coupes du monde, pour nous, c'est nos compétitions où on a le moment pour se qualifier pour soit les championnats du monde ou les Jeux olympiques. Donc, on prend ça vraiment au sérieux quand même. Là. Mais est-ce qu'il y a un côté moins cirque, disons, parce que les Jeux olympiques, là, tout le monde regarde ça. Mais c'est sûr que les Jeux olympiques, c'est une compétition vraiment unique. Là. Pour nous, en tant qu'athlètes, je pense que ce que tu dis cirque, pour nous, on appelle un peu plus distraction. Il y a plus de médias, il y a beaucoup plus d'attention, il y a des façons de fonctionner, des heures d'entraînement vraiment précises. Donc, c'est... on s'adapte à ça, on le sait, toutes ces choses-là d'avance, si on veut. En Coupe du monde, ça gagnerait à être plus médiatisé, je pense, parce que c'est tellement un beau sport. Mais oui, c'est un petit peu plus... c'est pas aussi gros en termes de tout ce qu'il y a autour que les Jeux olympiques. Mais pour nous, à quelque part, on s'entraîne toute l'année pour ces courses-là. Donc, ça nous tient tellement à cœur. Et puis, t'as tellement des belles performances qui se passent à ce moment-là. Donc, les Coupes du monde, pour nous, c'est les Jeux olympiques, ça arrive une fois aux 4 ans. Puis, les championnats du monde, une fois aux 2 ans. Donc, pour le restant, à chaque année, on a 10 Coupes du monde. Donc, c'est... Mais c'est dommage parce que au final, ce que, disons, le grand public retient, c'est presque juste cette médaille d'argent aux Jeux olympiques, alors que les autres résultats, on dirait que ça passe un peu plus dans le beurre parce qu'il y a moins d'attention médiatique dessus. Moi, j'aime ça parce que c'est drôle parce que souvent, les gens nous disent « Donc là, vous avez recommencé à vous entraîner pour les Jeux olympiques. » Puis, on est 2 semaines avant les Jeux, puis je suis comme « Ben... » T'sais, on s'entraîne durant les 4 années aussi qui précèdent les Jeux olympiques. Donc, c'est vraiment un travail à temps plein, mais on aime ça. Si on le fait, c'est parce qu'on est passionné. Puis, le but des Jeux olympiques est toujours présent, mais à chaque année de Coupe du monde, on a des objectifs à atteindre. Puis, c'est là que notre passion évolue au travers de ces 4 années-là. Mais j'aimerais, puisqu'on est en Radioton, avant d'aller à la pause, d'avoir votre son de cloche sur comment atteindre un objectif. Hein? Parce que là, nous, on a 42 000 $ à ramasser d'ici la fin de semaine. On sait qu'il faut travailler fort, mais si vous aviez à nous donner des conseils de championne, là, comment on fait pour atteindre notre objectif selon les sœurs du Four-la-Pointe? Mon Dieu, on n'a pas la réponse exacte, mais... si j'avais un conseil, c'est de se faire un bon plan, clairement, un plan d'attaque. Donc, on commence par le but, l'objectif, concrètement, c'est quoi? Puis nous, c'est 42 000. Oui, bon, 42 000, puis je pense que tu découles après ça par le bas, à l'envers. Tu coupes ça en petites étapes, tu dis, bon, comment que je vais faire pour arriver à 42 000? J'ai combien de jours? Là, chaque jour, bon, il faudrait que j'en accumule 21 000. Comment je vais faire ça? Avec lui, ça serait le même principe. C'est exemple, on veut accomplir un nouveau saut. Exemple, là, tu dis, moi, je veux accomplir ce nouveau saut-là. Mais tu découles par en arrière, puis tu arrives, ben, il faudrait que je fasse environ, je sais pas moi, 200 sauts sur la neige, 100 sauts sur la rampe d'eau. OK, bon, ben j'ai tant de temps, puis je vais arriver comme ça. Donc, tu découles vers l'envers, mais je pense que pour atteindre un objectif, il faut s'entourer de bonnes personnes, s'entourer d'une équipe forte, parce que moi, personnellement, et mes soeurs et moi, je pense qu'on est tous d'accord qu'on arrive nulle part sans avoir une équipe derrière nous, puis de s'entourer de personnes passionnées qui croient en nos rêves, puis qui ont la même vision que nous. Puis j'irais de rester dans le processus, parce que, tu sais, de toujours fixer, tu sais, on se lève pas le matin, hey, c'est les jeux. Non, c'est plus, on se lève le matin, on dit, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux accomplir qui va me mener? Toujours rester sur le droit sur le chemin, mais des fois, le chemin, il bifurque. Il diverge. Hein, il diverge. Il t'amène ailleurs. Il t'amène ailleurs, mais je pense que c'est correct. Puis t'apprends, puis c'est tout le temps aussi dans les erreurs ou dans les moments plus difficiles que tu en ressors plus grand parce que tu as eu une leçon ou tu as appris quelque chose. Moi, je trouve que c'est les moments où j'ai vraiment le plus appris. Alors, on va mettre ces conseils en pratique dès maintenant. Donc, moi, je vais découper mon objectif, passer à travers cette émission, hein, premièrement. Mais on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on va découvrir la sélection musicale de Justine. sonore qu'on vient d'entendre avec Fille de personne. Et ce n'est pas parce qu'on le reçoit demain qu'on écoute cette chanson-là. C'est parce que c'est la sélection musicale de Justine Dufour, La Pointe. Oui, oui. Justine, tu tripes sur... employer ce verbe-là sur Hubert Lenoir? Non, je capote sur Hubert. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Puis vraiment, j'adore sa musique. Je trouve que ça donne envie de danser. On dirait tout de suite l'épaule qui swing un petit peu. Elle nous a fait des beaux moves en studio. Non, mais j'adore, moi, en fait, la musique. Super joyeuse, super... qui donne envie de danser. Quand j'étais jeune, mes parents, c'était des parents disco. Mm-hmm. Fait qu'on dirait que j'ai grandi avec un peu cette vibe-là de musique un peu vintage disco qui me rappelle mon enfance, je sais pas pourquoi. Donc, qui me donne envie de danser. On salue Joanne, d'ailleurs, qui est à l'écoute. Oui, Joanne, on sait que t'es à l'écoute, maman. Va te coucher. Non, mais j'ai eu là en tête, tu sais, les parents disco, ouais, l'afro, puis genre la permanente avec le pantalon bleu food, ouais. Moi aussi, j'ai vu ça comme image dans ma tête, là. Ouais. Oui, d'ailleurs, mon père avait un beau pantalon bleu food dans le temps qu'on n'a jamais rentré dedans par Justine. Non. Tellement il était petit. On se demande encore comment il faisait pour le porter. Hé hey là là, ouais. C'était très, très serré en plus à l'époque. Hein. C'était toute une époque. Justement, je me demande comment tu peux danser dans un pantalon si serré. Et pas stretch, là. Non. Le dessus n'était pas synthétique. Je pense pour ça, c'était surtout les bras, tu sais, dans le disco. Parce que je pense que t'avais pas le choix. Oui, t'avais pas le choix. Des petits coups d'ange. Mais... justement, parlant de musique, est-ce que vous avez l'espèce de playlist là avant pour vous entraîner ou des artistes qui reviennent nécessairement ou un genre de musique qui vous suit en compétition? Ah, mais je pense qu'on écoute chacune de nous un peu de tout, là. Vraiment, on n'est pas trop difficile. Je pense qu'on écoute ce qui joue à la radio un peu n'importe quand. Mais moi, je me fais des playlists sur mon iPod Shuffle. C'est vraiment playlist compétition. Ski, des tunes assez classiques là, du genre The Eye of the Tiger là. C'est un bon classique à tout moment quand tu compétitionnes pour ma part. Mais non, j'adore en même temps, j'ai aussi une playlist genre workout. Ça c'est vraiment du old rock qui nous rappelle en fait notre entraîneur Paul Gagné avec qui on s'entraîne là depuis qu'on est tout petite. Mon père l'a trouvé pour nous quand moi j'avais 12 ans, 14 ans pour commencer à m'entraîner. Puis depuis il nous a vraiment pris sous son aile, puis c'est avec lui qu'on s'entraîne, puis sa musique de gym a toujours été du vieux rock, du AC/DC, Led Zeppelin, Let's Go. Fait comme pour nous, c'est vraiment associé à l'entraînement physique, ce qui est vraiment drôle, mais aussi on a des tripes de filles. Ça a été par phase, on a eu Taylor Swift, Selena Gomez, Katy Perry, et puis là, c'est quand tout ça part, on chante, on danse, puis on est qu'est-ce qui fait bouger la hanche, quoi. Mais on est allé, on adore aller à des spectacles. Souvent, des fois, on se fait des thèmes thématiques. Donc, on se fait des petits kits thématiques pour. C'est, en fait, c'est Chloé là qui s'occupe de nous designer un kit thématique quand on va voir des spectacles. Là, c'est. Mais non, mais il faut fitter dans l'eau. Puis je sais qu'il y en a des extrémistes qui se déguisent en la personne, en la chanteuse. Katy Perry. Exemple Katy Perry. Donc, tu sais, nous, on est très on est plus classique, mais tu sais, on se fait quand même demander « Hey, où t'as acheté le chandail? » Je suis comme « Non, c'est moi qui l'ai fait. » Ben, vous pouvez voir les créations de Chloé, là, de nos looks sur Instagram, sur toutes nos pages Instagram. On aime bien montrer comment on s'habille, puis quand on a des activités entre sœurs comme ça, là, on aime s'en parler. Mais vous avez un côté artistique très fort, un côté entrepreneur aussi qui se développe présentement parce que vous vous lancez dans la création de bijoux que vous porté présentement, oui, d'ailleurs. Oui, on les porte présentement. Mais d'où ça vient, cette idée de créer un collier, un pendentif? Ben, dans le fond, l'idée de base, c'était de designer un site web, puis un logo, d'un peu consolider notre brand. Mais là, on se demandait à trois comment se mettre d'accord sur la création d'un logo. Hein? Oh, là là, ouais. Puis, on est souvent... Notre mère a eu tellement une grande place dans nos vies. Et elle nous a toujours dit qu'à trois, si on se tient les coudes, on forme un triangle, puis comme ça, on va toujours se supporter une et l'autre. Alors, on est parti de l'idée de designer quelque chose à partir d'un triangle. Et on voulait que ça soit artistique, que ça soit beau, évidemment. Et là, dans le fond, ça a fini avec trois triangles de formes différentes qui, dans le fond, nous représentent chacune parce qu'on est totalement des personnalités différentes, mais qui sont agencés ensemble, qui sont unis par leur centre d'une belle façon. Donc, c'est pour ça que c'est le fun parce que quand on le regarde, le logo, tu sais pas exactement ce que c'est. Ça a l'air d'une étoile, c'est super cute, c'est discret. Mais en même temps, pour nous, ce que ça signifie, c'est notre unité, c'est notre force ensemble, c'est nos valeurs. Puis, on voulait justement partager ce logo-là avec les gens et on s'était dit, bon, qu'est-ce qui va nous ressembler? Qu'est-ce qui nous... On voulait trouver quelque chose qui nous rattache. Puis finalement, c'est Chloé qui a eu l'idée d'en faire un collier. Oui. Ben dans le fond, le collier, moi, ce qui est vraiment le fun avec ce collier-là, on le porte depuis les Jeux olympiques. On avait eu les échantillons aux Jeux, donc pour nous, c'était vraiment significatif de l'avoir chacune, vu que Maxime n'était pas en compétition avec nous. Justine, avant de partir, on se faisait un eye contact. T'as-tu ton collier? T'as-tu mis ton collier? J'ai mis mon collier. Puis on a trouvé vraiment que c'est un collier qui s'agence avec plusieurs looks. Je pense que, comme Maxime a dit, c'est un design qui a pris du temps à développer parce que les trois, on a des personnalités différentes, mais on voulait qu'ils nous rejoignent. Puis je pense que c'est ça, c'est un petit... on voulait que les gens aient une partie un peu de notre personnalité. De notre trio. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il est comme, il a un fini brossé. Donc, il n'est pas mât, il n'est pas lustré. Il est un peu comme la médaille. Exactement, ouais. Mais oui. On est dans le thème. On est dans le thème, toujours. Puis il est disponible sur notre site web, Dufour La Pointe, en un mot. Dufourlapointe.com, en trois couleurs, donc le or, argent et or rose. Donc vraiment pour... On n'est pas concept, là. Pour les trois couleurs du match podium. Oui, vraiment, on retrouve de vous entièrement dans ce collier. Est-ce que c'est le début de la création d'une ligne de bijoux ou c'est... Une idée unique comme ça? Ben en fait, c'est le premier item sœur d'une collection qui va venir sous peu. Et puis, mais on voulait vraiment, juste au début, mettre la signature à Dufour La Pointe. Puis, mais on veut pas rester seulement dans le bijou. Je pense qu'on aimerait aussi peut-être développer éventuellement dans le vêtement. Mais chose certaine, c'est que Dufour La Pointe, on veut que ça, qu'on raconte des histoires. Et chaque item qu'on va sortir va être inspiré de notre carrière ou de nous, ou de nos vies. Puis, on veut tout le temps qu'il y ait une signification pour que, les gens se rattachent peut-être à nos valeurs, mais aussi le mouvement, tu sais, de s'appuyer entre personnes, entre femmes, que l'union fait vraiment la force. Puis, je pense que c'est important pour nous de partager ça, mais aussi que les sœurs du Four La Pointe soient, qu'on s'en souvienne au-delà des athlètes. Ouais. Puis, je pense que c'était une belle façon de commencer. Ce nouveau projet-là, cette nouvelle aventure-là. Mais de laisser une trace de ce que vous faites, mais vous laissez une trace aussi dans les personnes, dans les jeunes, entre autres. Je sais qu'il y a des événements qui s'en viennent pour encourager les jeunes filles qui font du ski. C'est important pour vous, cette transmission de la passion et entre autres pour les jeunes filles? Ah, c'est certain. Par exemple, là, demain, dimanche, on s'en va skier au Mont-Saint-Sauveur avec toutes les filles du Québec qui font du ski acrobatique. C'est un camp vraiment... gracieusement, on l'offre pour juste pouvoir être accessible, skier avec elle, prendre le chairlift. Puis vraiment, c'est vraiment impressionnant. Ça fait 7 ans, mm-hmm. la 7e édition qu'on fait le camp 3SDL. Et à chaque année, il y a eu de plus en plus d'inscriptions. Donc, ça a été assez impressionnant. Là, l'année passée, on avait eu 70 petites filles. Oui. Puis, et on est chanceuse d'avoir l'aide aussi de tous nos commanditaires, de nos généreux partenaires qui participent à l'événement pour nous aider à aller gâter ces petites filles-là. Oui. Et qu'est-ce que vous voyez dans leurs yeux là, dans ce genre d'événement-là? Ah, ils sont tellement... Mais en fait, moi, qu'est-ce que je vois dans leurs yeux? Je nous revois quand on était jeunes, quand on a été inspirés, moi d'abord par Jennifer Hale. Puis je pense que c'est ça, c'est... Tu sais, il faut de la relève dans notre sport pour que ça continue de vivre, d'exister. Donc, c'est vraiment... je pense qu'ils sont inspirés. Puis moi, j'aime répondre à leurs questions, leur donner des petits trucs pour continuer dans le sport parce que souvent, à l'âge de 15 ans, les jeunes filles, tu sais, ils font un choix entre l'école, le sport et tout. Mais c'est possible de continuer. Puis je pense qu'il y a juste une petite barrière à ce moment-là. Là. Donc, c'est important de les convaincre ou du moins de leur parler à ce moment-là? Ah, c'est pas de les convaincre, je pense d'allumer leur passion, mm-hmm. d'allumer le feu en elles, puis de se dire non, tu sais quoi, je suis capable, les filles ils l'ont déjà fait, tout est possible, puis je pense que si tu as le cœur à la bonne place, puis tu mets les efforts pour, tout le monde peut accomplir ses rêves. Et vous continuez de mettre des efforts dans toutes sortes de choses. Oui, le sport, la compétition, mais là, l'entrepreneuriat, création de bijoux, compte Instagram. Donc, vous faites vraiment beaucoup de choses. Prenez des vacances, oui. s'il vous plaît, bientôt. Vous allez le faire. On promit. Parfait. Oui, promis. Donc, on vous suit, entre autres sur les réseaux sociaux, site internet aussi, on l'a mentionné. On peut se procurer le bijou si oui. on a envie de vous porter près de nous, ou pour la symbolique, évidemment, pour ce que vous avez fait, mais pour la symbolique également. Les Sœurs du Four-la-Pointe, merci beaucoup d'être passées au Radio Temps. Ça nous a fait vraiment plaisir. Et on continue de suivre votre carrière. Et on va se laisser avec une dernière sélection musicale. Chloé, j'aimerais que tu nous parles de Charlotte Cardin. Pourquoi tu aimes cet artiste-là? Ben, j'aime beaucoup son mood, sa façon qu'elle est posée. Puis elle a un teint de voix qui m'accroche tout le temps. À chaque fois que je l'entends en radio, si c'est une nouvelle chanson, je reconnais sa voix. Puis je trouve que c'est vraiment marquant. Puis j'aime sa petite poésie dans ses chansons-là. Donc, on va se laisser sur cette chanson. Et je vous rappelle que c'est le Radioton de CKRL. Donc, on est en direct jusqu'à dimanche, 21h15 environ. Vous pouvez venir assister aux émissions au 405 3e Avenue. Vous n'étiez pas là, vous avez manqué les Sœurs du Four-la-Pointe. Vous auriez pu les voir, presque les toucher. Désolé pour vous, mais là, reprenez-vous et venez nous rejoindre. On est dans Limoilou, sortez le balai à neige là et venez nous rejoindre ici. Et surtout, soyez généreux. Tous les détails pour donner sur notre site, ckrl.qc.ca. Émission classique avec Laurent Patneau et Gilles Chaumel dans les prochains instants. Et on se laisse avec Charlotte Cardin, Mean Girl. Chloé, Maxime, Justine, merci beaucoup d'être passés. Merci. Merci. I'm the call at one, but you just wanna visit. I'm the call for some kind of like an exit to your Mean Girl, to your Mean Girl.